Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les forces qui façonnent la diversité génétique? Comment les nombreuses migrations au cours de notre évolution ont-elles participé à façonner la variabilité génétique humaine? Que peut-on apprendre des métissages? Comment les réfugiés, les migrants, adultes et enfants s'adaptent-ils à une nouvelle culture, une nouvelle langue, voire un nouveau système d'écriture, à l'alphabet quand ils ne l'ont pas acquis? Quelles sont l'étendue et les limites de la plasticité cérébrale? Nous poursuivons ce matin, dans le cadre du colloque du Collège de France « Migration, réfugiés, exil », l'exploration des mouvements de population à grande échelle dans leurs dimensions historiques, démographiques, anthropologiques, biologiques, psychologiques, linguistiques. L'approche est résolument interdisciplinaire tout au long de la semaine. Quels sont les effets des contacts entre migrants et sociétés ce matin du point de vue du généticien, avec en première partie Luis Quintana Murci, directeur scientifique à l'Institut Pasteur, où il dirige l'unité de génétique évolutive humaine, et en deuxième partie avec Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Luis Quintana Murci souligne dans sa présentation que l'histoire évolutive de l'homme signifie bien plus que son histoire démographique. Elle inclut également son adaptation aux divers environnements, nutritionnels, climatiques ou pathogéniques. Détecter la façon dont la sélection naturelle a influencé la variabilité du génome humain représente un outil puissant pour identifier des fonctions biologiques ayant joué un rôle majeur dans l'adaptation et la survie de notre espèce et qui peuvent également être associés à des phénotypes variables d'intérêt médical. Ainsi, comment joue la tolérance au lait? Comment certaines populations s'adaptent-elles à l'altitude? Quelles mutations peuvent plus protéger du paludisme? Que peut apporter la génétique évolutive humaine pour appréhender les transitions entre modes de vie nomades et sédentaires? En fin d'exposé, Luis Quintana Murci questionne l'environnement et le mode de vie des populations d'agriculteurs et chasseurs-cueilleurs de l'Afrique centrale. Puis Stanislas Dehaene analysera la plasticité cérébrale et le bilinguisme, atouts et difficultés des migrants en deuxième partie, en s'appuyant sur les découvertes des sciences cognitives et des neurosciences. Il fait le point en corrigeant quelques idées reçues et en ouvrant bien des perspectives sur certains apprentissages dès le plus jeune âge, vu les possibilités du cerveau. Parmi différents cas, il nous présentera l'exemple extrême de migrants, des enfants coréens adoptés qui ont complètement perdu leur langue natale. Comment aider au plus juste, demande-t-il, enfants et adultes dans leur nouvel environnement culturel, quand on sait que la plasticité cérébrale est maximale en début de vie? Ainsi, le cerveau des petits-enfants peut-il littéralement absorber une deuxième langue quand les adultes auront besoin de temps? Comment cette plasticité cérébrale qui persiste tout au long de la vie peut-elle être ranimée par des circonstances particulières comme le déracinement ou l'adoption? Mais tout de suite, nous écoutons Luis Quintana Murci sur la génétique et l'histoire de l'homme, l'adaptation aux agents infectieux au Collège de France le 13 octobre 2016. Juste pour vous rappeler un peu la dernière décennie, voire 20 ans en génétique humaine, on est passé du séquençage en 2000 ans du génome humain qui a été extrêmement utile pour mieux comprendre la structure des gènes, mais en aucun cas nous a renseigné ni nous a donné l'outil dont on a besoin en génétique humaine, en génétique médicale et surtout en génétique des populations, que c'est la diversité génétique. Les différences qu'il peut avoir entre nous, d'une même population ou entre différentes populations humaines. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a eu différents consortiums internationaux qui avaient comme but principal de caractériser toute cette diversité génétique entre individus et populations humaines. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait qu'il y a très peu de diversité entre populations humaines et que si on prend deux individus au hasard dans la population, quelle qu'il soit son origine ethnique ou géographique, on va trouver juste environ 0,1% de différence. Ce qui, quand même, sur 3 milliards de bases qui fait notre génome, nous reste 3 millions de différences entre individus pour pouvoir travailler. On sait aujourd'hui aussi que la plupart de ces différences n'ont pas de conséquences, en tout cas de conséquences connues sur le phénotype, et que ça va être l'étude de ces mutations qu'on appelle neutres, l'étude de la distribution de ces mutations entre populations humaines qui va nous aider à mieux connaître nos origines et à reconstruire les différentes migrations humaines. Une partie de ces mutations vont être associées à la variabilité phénotypique, c'est-à-dire la variabilité phénotypique bénigne, comme simplement nos différences apparences physiques, mais une partie de cette diversité génétique va aussi être impliquée à nos différentes adaptations génétiques au climat, à l'altitude, on va voir un exemple. Une partie de ces différences génétiques explique aussi pourquoi on ne métabolise pas tous de la même façon certains aliments, comme le lait. Et une partie de ces différences génétiques, et ça c'est un des intérêts principaux de mon laboratoire, va aussi déterminer, en tout cas influencer, la façon dont on répond différemment à l'infection. Donc quelles sont les forces déjà qui façonnent toute cette diversité génétique ? Évidemment, il y a des forces très basiques, comme la mutation ou la recombinaison, des forces génomiques. Il y a aussi des forces démographiques. Quand une population en expansion démographique va montrer bien plus de diversité génétique que des populations qui ont subi des effets fondateurs ou des goulots d'étranglement, c'est-à-dire des réductions de sa taille efficace, comme les Finlandais, les Islandais, les Québécois. Et aussi, on a la sélection naturelle, c'est-à-dire comment certaines mutations vont nous permettre de mieux nous adapter à l'environnement qu'on va rencontrer. Et ces mutations-là, parfois, vont augmenter en fréquence dans la population générale. Toute cette force génétique va influencer la diversité du génome humain, qui à son tour va influencer la diversité phénotypique, que ce soit au sein d'une population ou entre différentes populations humaines. Donc, depuis ces 20 dernières années et depuis les premières études que Jean-Jacques Hublin parlait de l'ADN mitochondrial hérité par la mère ou le chromosome Y hérité par le père, jusqu'à il y a 3 semaines avec les derniers 3 papiers d'un Nature basés sur des génomes complets, il y a un grand consensus sur plusieurs messages. Notre espèce est une espèce très faible qui présente une très faible diversité génétique par rapport à d'autres espèces de primates comme les orang-outans, les gorilles ou les chimpanzés. Deuxième chose, notre espèce s'est originée en Afrique. Ça, c'est un arbre phylogénétique basé sur des données de plusieurs millions de mutations tout au long de notre génome. On peut voir que les Africains présentent plus de diversité génétique et que les non-Africains, pas seulement présentent moins de diversité génétique, mais trouvent leurs racines dans les populations africaines. Troisième chose, on peut avoir, malgré cette faible diversité génétique qu'il y a entre nous, on peut avoir une certaine structure génétique à niveau continental. Vous pouvez voir ici, c'est une analyse en composante principale sur environ 3000 Européens. Plus 2 points sont loin, plus sont différents génétiquement. On peut voir que ça miroie parfaitement la carte géographique de l'Europe avec la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. Ce que soutient le modèle d'isolement par la distance, c'est-à-dire plus 2 individus ou 2 populations sont lointaines, plus diverses seront d'un point de vue génétique. Et on peut avoir à des niveaux de structure extrêmement fines, comme ça a été montré par exemple au Royaume-Uni, ou aussi les différences qu'il peut avoir au sein de la France, l'Allemagne, etc., jusqu'à au point où on peut avoir évidemment des différences, même à niveau familial. Quel serait le résumé de ce que la génétique nous raconte aujourd'hui sur les grandes migrations humaines? On sait aujourd'hui qu'on est apparu, notre espèce en Afrique, il y a 200 000 ans, Et la première grande migration de notre espèce s'est faite il y a environ 40 et 80 000 ans, quand l'homme quitte l'Afrique. Nous sommes tous ici, en tout cas ceux entre nous qu'on est d'origine européenne ou asiatique, nous faisons partie de la première vague de migrants. On sort, il y a le premier grand effet fondateur pour fonder l'Europe et l'Asie du Sud très tôt et l'Australie. Après, on a des migrations qu'on a pu reconstruire aussi grâce à la génétique dans les temps préhistoriques, comme les migrations bantoues au centre de l'Afrique, dont je vais y revenir en détail, ou par exemple la colonisation de la Polynésie il y a entre 1000 et 4000 ans. Et aussi, on peut reconstruire aujourd'hui, avec la génétique, des migrations beaucoup plus récentes, comme par exemple les mouvements des Européens en Afrique du Sud ou des populations du Sud-Est asiatique en Afrique du Sud, ou les migrations forcées des Africains vers les Amériques lors de la traite d'esclaves. On sait, comme Jean-Jacques Hublin disait aussi, qu'on s'est mélangé avec l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova, et on sait que les Européens d'aujourd'hui, on a environ 2% de notre génome qui viendrait de ce métissage avec Néandertal, et environ 6% des populations de l'Asie du Sud-Est, notamment en Mélanésie, 6% de leur génome est d'origine denisovienne. On sait aussi aujourd'hui que c'est 2% ou 6%, c'est une estimation, c'est une moyenne du génome, mais le génome va varier énormément. Si on fait un scan du génome, on va avoir beaucoup de régions de notre génome que sont 0% néandertaliennes, mais on va avoir certaines régions du génome qui peuvent aller jusqu'à 65% d'origine néandertalienne. Et c'est ça qu'on va explorer dans quelques minutes par rapport à nos réponses immunitaires. Donc, juste pour partager avec vous des données qui sont sorties il y a environ 3 semaines, basées sur 300 génomes complets. Et ce qu'on continue à trouver, c'est en gros toujours la même chose. C'est beaucoup de diversité en Afrique, les populations non africaines étant des sous-branches des populations africaines. Un soutien du modèle d'isolement par la distance, c'est-à-dire plus on s'éloigne de l'Afrique, plus on est différent, évidemment. Et c'était confirmé, le métissage en Europe et en Asie avec Néandertal, plus intense en Asie qu'en Europe, et le métissage avec Denisova, surtout en Asie du Sud-Est, et beaucoup en Mélanésie. Mais lors de ces migrations dont on vient de parler, on a dû aussi s'adapter à l'environnement qu'on a retrouvé. En tout cas, à l'environnement que les premiers Africains qui ont quitté l'Afrique, ils ont retrouvé en Europe, en Asie et aux Amériques. Différents environnements climatiques, différentes ressources nutritionnelles et aussi différents pathogènes qu'ils ont rencontrés. Donc, on va commencer par un exemple très représentatif de l'adaptation aux ressources nutritionnelles, que c'est la tolérance au lait. Vous savez que notre état, on va dire ancestral, c'est après la période de sevrage, l'enzyme qui va nous aider à métaboliser le lait va chuter considérablement et la plupart de nous devront être, entre guillemets, intolérants au lactose. Ce qui n'est pas le cas, comme vous pouvez voir ici, c'est les fréquences du trait tolérance au lactose, c'est-à-dire capacité de continuer à boire du lait à l'âge adulte. En Europe du Sud, c'est environ entre 40 et 50% de la population continue à boire du lait, et on arrive en Europe du Nord à des fréquences de presque 98% chez les Finlandais. On sait aujourd'hui aussi qu'en Afrique, certaines populations de pastoralistes continuent à boire du lait à l'âge adulte. Ça a été montré que les bases génétiques de ce trait sont différentes en Europe et en Afrique, sont sous très forte pression de sélection positive, c'est-à-dire ces mutations indépendantes qui ont donné la capacité aux Africains et aux Européens de continuer à boire du lait à l'âge adulte, se situent entre les 10 mutations qui montrent une pression de sélection positive les plus fortes de tout notre génome. Et ça a été daté l'âge à laquelle cette sélection naturelle positive a commencé, et ça coïncide à l'âge où aussi bien les Africains que les Européens ont commencé à faire la transition d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie agriculteur-sédentaire. Un exemple assez intéressant aussi de l'adaptation au climat, c'est l'adaptation à la vie en altitude. Vous savez qu'il y a certaines populations, comme les Tibétains par exemple, qui habitent à 4000 mètres, où la concentration d'oxygène est environ 40% moindre que dans les plaines. Donc ces chercheurs-là, ils ont voulu comprendre les bases génétiques de l'adaptation à l'altitude, et pour cela, ils ont comparé deux populations que d'un point de vue génétique sont presque pareilles, c'est quand on a plus de puissance en génétique, c'est-à-dire la population du Tibet et la population des Chinois Han. Évidemment, quand on compare leur génome, on voit que la plupart des fréquences alléliques, c'est-à-dire tous les polymorphismes de ces deux mutations, se situent sur la diagonale, c'est-à-dire que si une mutation est à 10% chez les Tibétains, elle va être à 10% environ chez les Chinois Han. Ils ont cherché des mutations qui ne suivent pas ce modèle, et ils ont pu identifier deux mutations dans ce gène, qui s'appelle EPAS1, que c'est un gène qui est impliqué dans les niveaux d'hémoglobine dans le sang et qui aurait aidé aux Tibétains à mieux s'adapter à cette vie extrême de vie en altitude. D'autres études ont continué suite à celui-là pour essayer de comprendre si les bases génétiques de l'adaptation à l'altitude sont les mêmes en Éthiopie, aux Andes, en Amérique du Sud. Et ce qui est intéressant, et un cas un peu comme le même du gène de la lactase, c'est-à-dire notre capacité de boire du lait à l'âge adulte, ils ont trouvé d'autres gènes et d'autres mutations qui sont impliquées dans l'adaptation à l'altitude dans ces autres populations habitant dans des conditions extrêmes. Mon laboratoire, dans notre cas, s'intéresse à un autre type de pression environnementale que sont les pathogènes et les maladies infectieuses. Pourquoi ? On sait aujourd'hui que l'espérance de vie des populations humaines était extrêmement faible jusqu'à hier, on va dire, d'un point de vue évolutif. Vous pouvez voir ici, c'est le Royaume-Uni, il y a 120 ans, juste il y a 120 ans, qu'environ 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Si on voit le Royaume-Uni aujourd'hui, en tout cas dans l'année 2000, 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Avec que 120 ans de différence, on a augmenté énormément l'espérance de vie, évidemment, grâce à tout ce qui est arrivé au début du XXe siècle, amélioration de l'hygiène, antibiotiques et vaccins. On peut voir malgré tout que certaines populations, Mozambique ici, la même année que le Royaume-Uni, on peut voir que environ 50% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Pas seulement les maladies infectieuses ont été une cause de mortalité majeure dans notre histoire, mais on a aussi des cas de sélection naturelle extrêmement bien montrés dus aux pathogènes. Un cas presque d'école serait l'avantage qu'on a si on est hétérozygote par l'allèle S de l'hémoglobine, qu'on va être plus protégé contre le paludisme à Plasmodium falciparum, même s'il y a un prix à payer, c'est-à-dire que les individus homozygotes, c'est-à-dire ceux qui ont les deux versions de l'allèle S, vont développer une drépanocytose. Ça, c'est juste un exemple comment une mutation perte de fonction, que parfois on a l'impression que perdre une fonction, ça peut être quelque chose de délétère, peut être quelquefois avantageux et bien pour une meilleure adaptation. Si une mutation perd de fonction dans le gène DARC, c'est une chémokine, c'est le système de Fee, en gros, que cette mutation a augmenté en fréquence en Afrique jusqu'à arriver à presque fixation, c'est-à-dire presque 100% de fréquence dans l'Afrique centrale, parce que les individus qui portent cette mutation perte de fonction n'ont pas un récepteur, et le fait d'avoir perdu ce récepteur va empêcher Plasmodium vivax d'infecter la cellule. En utilisant cette approche de génétique des populations, au cours des dernières années, on a pu disséquer la relevance biologique de certaines familles de gènes qui sont impliquées dans le système de l'immunité innée. L'immunité innée, comme vous savez, c'est tout un système que, quand on est infecté, va venir à tout un système cellulaire de récepteurs qui vont reconnaître qu'un pathogène, par exemple, est rentré dans notre corps. Dans quelle mesure la sélection positive, c'est-à-dire comment l'adaptation des différentes populations humaines, Afrique, Europe et Asie, a aidé à favoriser l'augmentation en fréquence de certaines mutations pour mieux permettre à ces populations de s'adapter à l'environnement pathogénique. Ceci nous a permis d'identifier certains gènes sur sélection positive très forte, comme par exemple CD36 qui protège contre le paludisme dans les populations africaines, ou TLR1 qui est associé à une réponse inflammatoire moins forte dans les populations européennes, ceci ayant conféré un avantage évolutif. Notre approche nous permet pas seulement de dire ce gène a été sous sélection positive en Afrique, ou en Asie, ou en Europe, mais identifier les mutations les plus causales qui seraient associées au phénotype d'intérêt. Et finalement, on s'est dit, et tous ces événements d'adaptation à l'environnement, ils sont arrivés quand ? On peut dater l'âge à partir de laquelle les événements de sélection positive sont arrivés. Il y en a trouvé que dans la plupart des cas, les âges estimés de sélection tombent entre il y a 6000 et 13000 ans, que coïncide à nouveau avec la période de transition de l'homme vers un mode de vie agriculteur. La dernière question qu'on s'est posée, c'était, en sachant qu'on sait qu'on s'est mélangé avec Néandertal, est-ce que les gènes de l'immunité innée présentent plus ou moins d'origine Néandertal, à nouveau, que le reste du génome ? Et la réponse est oui, que ce soit en Europe ou en Asie, les gènes de l'immunité innée présentent un taux d'introgression de Néandertal plus fort que le reste du génome. Ceci nous a permis aussi d'identifier un groupe d'environ 80 gènes chez les Européens et chez les Asiatiques impliqués dans l'immunité innée et qui présentent des taux d'introgression de Néandertal extrêmement élevés. Des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans la réponse aux infections virales ou dans une moindre réponse inflammatoire. Plus récemment, avec une étude sur l'expression de gènes, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'introgression néandertalienne a principalement affecté nos réponses aux infections virales. Toutes ces conclusions, toutes ces observations qu'on a faites, comme vous pouvez voir, on se base sur des grandes populations, Afrique, Europe, Asie. Mais un des intérêts aussi principaux de mon laboratoire, c'est l'Afrique, et tout particulièrement l'Afrique centrale. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à comment la transition entre un mode de vie chasseur-cueilleur nomade et un mode de vie agriculteur sédentaire a influencé pas seulement notre histoire démographique, mais aussi notre adaptation à l'environnement. En Afrique, on sait que l'agriculture s'est originée entre le Cameroun et le Nigeria, et qu'avec les langues dites bantoues, l'agriculture se serait déplacée dans tout le reste du continent. Et pourquoi l'Afrique aussi ? Parce qu'en Afrique, on a des populations qui continuent à baser leur mode de vie sur la chasse et la cueillette, comme les populations de langue San en Afrique du Sud et le Namibie, les Hadza ou les Sandawe en Afrique de l'Est, et après, une autre population, que c'est la plus grande population de chasseurs-cueilleurs qui existe encore, que sont les chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale, dites pygmées. On a deux grands groupes de pygmées, les pygmées de l'Ouest, situés entre le Gabon et le Cameroun, et les pygmées de l'Est, plutôt en Ouganda et Rwanda. Et aussi, et d'une façon assez intéressante, on a pu challenger un peu le dogme comme quoi l'arrivée de l'agriculture en Afrique aurait impliqué des changements très forts dans les régimes démographiques des populations, parce que ce qu'on a vu, c'est que les pygmées sont caractérisés, leur histoire démographique, par des forts goulots d'étranglement, mais qui sont arrivés il y a entre 10 000 ans et 30 000 ans. Tandis que les agriculteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs bantous, se caractérisent par des expansions démographiques, mais qui datent d'il y a environ 7 000 et 10 000 ans, ce qui montre que les différences de régime démographique entre pygmées et agriculteurs prédatent l'âge à laquelle l'agriculture s'est originée en Afrique, ce qui soutient l'hypothèse que les agriculteurs étaient déjà une population de chasseurs-cueilleurs de grande taille efficace, et ça serait pour cela que cette population a été plus à même d'adopter et transmettre après la nouvelle technologie de l'agriculture. Aussi, on s'est intéressé, ça beaucoup plus récemment, à essayer de reconstruire les migrations des peuples bantous en Afrique. On sait, comme je vous disais tout à l'heure, que l'agriculture s'est originée dans cette région de l'Afrique, mais on ne sait pas encore très bien la façon dont ces peuples ont colonisé après le reste de l'Afrique. Il y a deux grandes hypothèses. Une première hypothèse qui dit qu'à partir du foyer d'origine de l'agriculture, les Bantous auraient contourné la forêt équatoriale pour aller à l'est de l'Afrique et après vers le sud. Tandis que le deuxième modèle, c'est un modèle qui dirait qu'il y a environ 3000 ans, À partir du foyer d'origine, les premiers peuples bantous auraient traversé la forêt équatoriale vers le sud, et c'est après, à partir de ce deuxième foyer, qu'ils auraient migré vers l'est de l'Afrique et après vers le sud. On a voulu aussi comprendre si, lors de ces migrations, les peuples bantous se sont adaptés rapidement aux différents environnements qu'ils ont rencontrés, la forêt équatoriale, les grands plateaux de l'Afrique de l'Est, le désert du Kalahari au sud. Et finalement, on a voulu savoir comment ils ont interagi avec les populations locales de chasseurs-cueilleurs qu'ils ont rencontrées tout au long de ces migrations. Première question par rapport aux routes empruntées par les peuples bantous. Pour cela, on a étudié plus de 1000 individus de différentes populations de langues bantoues en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et la première chose qu'on a vue, c'est que quand on étudie les populations bantoues de l'Afrique de l'Est, on voit que ces populations parentales sont plutôt au sud du foyer d'origine des langues bantoues, c'est-à-dire entre le Gabon et l'Angola. Quand on étudie les populations bantoues de l'Afrique du Sud, on voit que ces populations parentales, c'est surtout des populations du sud du foyer des langues bantoues d'origine, avec du mélange, évidemment, avec les populations locales des peuples San. Donc notre étude soutient le modèle du, comment dire en anglais, du late split, c'est-à-dire que d'abord ils traversent la forêt équatoriale et c'est juste après que les populations ils ont commencé à migrer vers le reste de l'Afrique. Deuxième réponse aux questions, par rapport au métissage. Ce qu'on a pu montrer, c'est que tout au long de ces migrations, ces peuples bantous se sont adaptés à l'environnement qu'ils ont rencontré, et notamment à l'environnement pathogénique, avec des signatures de sélection très fortes dans le système HLA, aussi bien chez les bantous de l'Ouest que les bantous de l'Est, et que dans certains cas, cette adaptation à l'environnement a été facilitée par le mélange avec les populations locales qu'ils ont rencontrées. Par exemple, les Bantous de l'Est ont acquis des populations locales la mutation qui permet à nouveau de continuer à boire le lait à l'âge adulte. Ce qui montre que pas seulement le métissage peut être intéressant, mais avantageux d'un point de vue même biologique, parce que ça nous permet d'emprunter des mutations des peuples qui sont adaptés à son environnement. Donc pour finir, quelques conclusions. On a vu que la génétique nous dit aussi que tous les humains d'aujourd'hui ont une origine récente en Afrique, il y a environ 200 000 ans, qu'il y a eu du métissage entre les hommes modernes et différentes formes d'hominines, comme les Néandertaliens ou les Denisoviens, de qui on a emprunté des mutations avantageuses, que quelles que soient les populations humaines, on s'est adapté à l'environnement qu'on a rencontré aussi d'un point de vue génétique. Et enfin qu'en Afrique, les peuples bantous, lors de ces migrations à travers de l'Afrique subsaharienne, se sont métissés avec les différents peuples de chasseurs-cueilleurs, de qui ils ont également emprunté des mutations avantageuses, notamment pour l'adaptation aux pressions de sélection exercées par les pathogènes et aussi pour l'adaptation aux ressources nutritionnelles. Je vous remercie. C'était Luis Quintana Murci, Génétique et histoire de l'homme, adaptation aux agents infectieux, et tout de suite nous retrouvons Stanislas Dehaene, plasticité cérébrale et bilinguisme, atouts et difficultés des migrants. Je voudrais commencer par peut-être essayer de dissiper certains mythes sur la plasticité cérébrale, parce que la plasticité cérébrale est très à la mode et on a tendance à penser parfois qu'elle peut tout. Je voudrais donc rappeler que le cerveau humain, c'est avant tout la mise en place de réseaux précocement au cours de la grossesse sur une base qui est très largement génétique. Le cerveau de l'enfant est organisé de manière très particulière, comme on peut le voir avec l'imagerie cérébrale, le plissement du cortex dans le dernier trimestre de la grossesse, qui est une période tout à fait importante et sensible sur le plan biologique, la mise en place des grands faisceaux de connexion à la naissance, pour autant que l'on puisse dire avec l'imagerie cérébrale, tous ces grands faisceaux de connexion transcorticaux qui sont structurés d'une manière particulière dans l'espèce humaine, vont être en place. Et lorsqu'on arrive à scanner ces petits-enfants, eh bien on peut voir que les grands réseaux corticaux que l'on trouve chez l'adulte sont déjà, dans une certaine mesure, anticipés. Par exemple, lorsqu'un enfant de quelques mois entend sa langue maternelle, ce sont déjà les aires dites du langage, de l'hémisphère gauche, donc la région ici frontale inférieure gauche, qu'on appelle la région de Broca, et puis les régions du lobe temporal, qui sont déjà activées à l'écoute de sa langue maternelle. Ça ne veut pas dire évidemment que les structures phonologiques, lexicales, syntaxiques sont déjà en place, mais simplement qu'il y a une sorte de canalisation de l'information et que l'apprentissage ne va pas se produire sur une ardoise vierge, mais l'apprentissage va se produire sur une base extrêmement contrainte de circuits cérébraux préexistants. Alors, qu'entend-on dans ce contexte par plasticité cérébrale ? Eh bien, la plasticité cérébrale concerne principalement les points de contact d'un neurone à l'autre, c'est-à-dire les synapses. Donc, l'axone d'un premier neurone arrive sur les dendrites d'un deuxième neurone, et ces points de contact, qui sont les synapses, plusieurs milliers par neurone, sont des points d'extrême plasticité. Les synapses peuvent varier dans leur force, mais elles peuvent aussi se faire ou se défaire. Elles sont extrêmement mobiles. On estime que ce sont plusieurs millions de synapses qui se font et se défont par seconde, chez les petits-enfants. C'est une période d'hyperproduction synaptique et aussi de stabilisation sélective qui a été étudiée et démontrée par Jean-Pierre Changeux en particulier, et beaucoup d'autres ensuite. Et donc, la plasticité va permettre à des circuits de se faire ou de se défaire, de se renforcer en fonction de l'usage qui en est fait. En particulier, une privation sensorielle, dans les travaux très classiques déjà de Hubel et Wiesel, par exemple la suture d'un œil, la perte d'un œil, va conduire à une réorganisation des synapses issues de cet œil et va entraîner une mobilisation nouvelle des synapses issues de l'autre œil. Donc l'activité neuronale ou son absence module sélectivement la stabilité des synapses. Ces changements peuvent se produire à des échelles de temps relativement rapides, de l'ordre de quelques minutes, et ensuite, évidemment, des heures, des jours qui vont stabiliser ces changements. Il faut savoir que le branchement axonal est aussi une source de plasticité, et la myélinisation des axones, c'est-à-dire le fait que les axones soient entourés d'une gaine isolante, va aussi pouvoir se modifier avec l'usage. Alors, la plasticité cérébrale peut avoir parfois des effets absolument remarquables, et notamment chez l'enfant. Et je voulais vous en donner un exemple particulier. C'est le cas de Nico, qui est un enfant qui a subi une hémisphérectomie pour traiter une épilepsie rebelle à l'âge de 3 ans. Vous voyez, donc on lui a enlevé pratiquement la totalité de l'hémisphère droit. Et on pourrait penser qu'une lésion de ce type aurait des effets absolument dramatiques sur les comportements, et ça n'est pas le cas. Bien entendu, cet enfant a de légers troubles de la motricité, une hémiparésie, il n'est pas parfait du côté gauche de son corps. Toutefois, il est quand même membre de l'équipe d'escrime de handisport d'Espagne, hein, donc il arrive à faire de l'escrime. Il a des troubles dans le domaine visuel d'hémianopsie, ce qui est normal, la partie gauche du champ visuel à nouveau ne va pas être parfaite, mais c'est cet enfant qui, à l'âge de 8 ans, soutenu par sa famille, soutenu aussi par Antonio Batro, réalise des dessins sur l'ordinateur. Il a en fait un sens artistique absolument remarquable. Et voilà d'autres dessins de ses activités d'escrime, des papillons. L'image que je vous ai présentée au départ, c'est en fait une copie du tableau de Monet qu'il a réalisé. Je serais personnellement tout à fait incapable de telles activités artistiques. Hein. Voilà d'un autoportrait de Nico, et voilà un autoportrait à la manière du portrait de Dorian Gray, qui est assez intéressant parce qu'il s'est dessiné lui-même, mais avec une anomalie de moitié de son visage. Il est tout à fait conscient de ses difficultés, mais tout de même, il a réussi à l'école, il a un langage oral écrit parfait, il a passé un diplôme de secrétariat en informatique, et son cas a conduit Antonio Batro à écrire ce livre « Un demi-cerveau suffit ». Alors je ne sais pas si un demi-cerveau suffit pour tout le monde, mais il est vrai que c'est absolument remarquable de voir que des compétences qui sont traditionnellement attribuées de façon caricaturale à l'hémisphère droit, par exemple la capacité de reproduire une figure, eh bien, ne sont pas si déficitaires que ça chez ce garçon qui présente au contraire d'extraordinaires activités artistiques avec son seul hémisphère gauche. Nous l'avions scanné, il avait à l'intérieur de son hémisphère gauche essentiellement des circuits normaux, mais on peut dire en quelque sorte, la totalité des capacités était entassée en quelque sorte à l'intérieur d'un hémisphère gauche qui fonctionne normalement. Et d'autres études, par exemple de Wolfsinger, ont montré que même les cartes visuelles, donc les cartes rétinotopiques, qui normalement sont strictement contralatérales, la partie gauche du champ visuel va projeter dans l'hémisphère droit, eh bien chez des personnes qui subissent une hémisphérectomie précoce, ces cartes peuvent se réorganiser et une partie du champ visuel peut se réorienter vers l'autre hémisphère. Donc, des cas de plasticité tout à fait extrêmes parce que ces opérations sont menées effectivement à un âge relativement précoce, ici l'âge de 3 ans. Alors, ceci nous conduit naturellement à un concept clé de la notion de plasticité cérébrale qui est celui de période sensible. Il semble effectivement qu'il existe des fenêtres temporelles, notamment dans la petite enfance, pendant lesquels les circuits neuronaux présentent une capacité particulière de s'adapter à leurs entrées et s'adapter donc à un environnement particulier. L'existence de telles périodes critiques est extrêmement bien attestée et bien étudiée dans le domaine visuel, notamment pour ce qui est de l'amblyopie, de la vision binoculaire, mais dans ce diagramme de Werker et Hensch, eh bien, il propose, avec beaucoup de données, qu'il existe des périodes sensibles ou périodes critiques similaires dans le domaine de l'apprentissage du langage, et en fait, non pas une période sensible qui serait celle de la toute petite enfance, mais plusieurs périodes en fonction de ce qui est appris. Alors, cette notion de période sensible est un petit peu caricaturale ici, et je trouve leur diagramme un petit peu pessimiste, puisqu'il s'arrête à 20 mois, et on a l'impression que toutes ces courbes retombent à zéro à 20 mois. La réalité est quand même différente, la réalité est plutôt de ce type, tout n'est pas joué à 20 mois, la plasticité ne se ferme jamais complètement, la plasticité continue d'exister à l'âge adulte, elle peut également se rouvrir dans des circonstances particulières, mais c'est tout de même vrai qu'il y a un pic de plasticité pour beaucoup d'apprentissages linguistiques dans la petite enfance. Un exemple tout à fait clair, c'est celui de l'apprentissage des consonnes et des voyelles, des phonèmes de la langue maternelle. Vous savez que nous utilisons dans chacune de nos langues un sous-ensemble des phonèmes possibles. Par exemple, il y a un continuum entre les sons « ba » et « da », mais il existe aussi dans les langues indiennes, par exemple, un « da » rétroflexe, « da », que je suis assez incapable de prononcer et encore moins d'entendre, parce qu'en français, nous ne faisons pas ce contraste entre « da » et « da ». Mais c'est un contraste qui est aussi important dans ces langues que peut être le contraste entre ba et da pour nous. Alors, lorsqu'on étudie les petits-enfants, on s'aperçoit que vers l'âge de 9 mois, ils font les discriminations de quasiment la quasi-totalité des phonèmes qui ont été étudiés. Donc, si on les habitue à entendre da, da, da, et qu'ensuite on passe à ba, on observe une réponse à la nouveauté issue de leur cerveau, et cette réponse va être de la même amplitude que l'on passe à un phonème utilisé dans la langue maternelle ou à un phonème qui n'est pas utilisé dans la langue maternelle. Si on refait la même expérience à 12 mois, on s'aperçoit que seuls les phonèmes qui sont utilisés vont continuer d'être discriminés. Et les phonèmes qui ne sont pas utilisés ne vont plus être discriminés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit apparemment d'un calendrier purement maturationnel. Si vous testez des prématurés qui sont nés à l'âge de 6 mois et demi, qui ont donc eu plusieurs mois de plus d'expérience avec la langue, eh bien, ces prématurés suivent le même agenda. C'est par rapport à la maturation cérébrale et non pas par rapport à l'exposition à l'environnement que se ferme cette période sensible. Il y a donc bien des périodes sensibles d'origine biologique. Et ici, vous voyez, c'est assez tôt. Dans l'espace d'un an, nous stabilisons les frontières des catégories phonétiques de notre langue. Et, par exemple, les Japonais cessent d'être capables d'entendre la différence entre R et L. Alors, cette décroissance progressive de la capacité d'apprendre des langues étrangères est attestée à plusieurs niveaux, et pas forcément aussi rapide que ce que je viens de vous montrer, mais plutôt à l'échelle des années. De nombreuses études ont étudié, par exemple, l'accent étranger ou la maîtrise de la syntaxe, et montrer que dans tous ces domaines, lorsqu'on étudie les personnes qui sont arrivées dans un pays à des âges différents, eh bien l'âge d'arrivée joue un rôle tout à fait déterminant dans la maîtrise de ces différents aspects de la langue. Vous voyez que les performances chutent d'abord lentement, mais on peut quand même détecter un effet de chute pour des personnes qui sont arrivées à l'âge de 4 ans. Et ensuite, les performances chutent assez rapidement aux alentours de la puberté, qui est considérée comme un moment où il peut y avoir une fermeture particulière de la plasticité. Beaucoup de données qui vont dans ce sens. Donc, nous avons évidemment intérêt à nous servir de la fenêtre de plasticité maximale, qui est celle de la petite enfance. Que se passerait-il si on était privé d'une langue ? Il est évident que ce sont des conditions extrêmement rares dans lesquelles les enfants n'ont pas de langue du tout à laquelle ils seraient exposés, mais il en existe quand même dans la littérature et les résultats sont tout à fait clairs. Il existe des cas d'enfants sauvages ou surtout d'enfants maltraités, comme le cas de Jenny, qui est un cas classique dans la littérature, un enfant qui a été essentiellement, si on peut dire, placardisé pendant de nombreuses années, sans interaction sociale et sans exposition à une langue de façon soutenue. Et cet enfant présentait, comme jeune adulte, des déficits importants. Des études plus récentes et intéressantes sont menées chez les enfants sourds qui sont appareillés. Et on s'aperçoit que si on doit appareiller une personne sourde, parce qu'elle a une surdité profonde, il faut le faire de façon extrêmement précoce. Lorsque les enfants sont appareillés avant l'âge d'un an, on observe peu ou pas de déficit sur des tests linguistiques. Lorsque les enfants sont appareillés après l'âge de un an, on peut déjà observer des déficits dans le domaine de la langue parlée. Donc toujours cette idée que si le système doit s'adapter, il faut absolument lui donner des entrées linguistiques appropriées dès le plus jeune âge. Des données similaires viennent de l'apprentissage de la langue des signes, qui est un domaine extrêmement intéressant. Il est aujourd'hui attesté que, bien que la langue des signes passe par la modalité visuelle et motrice plutôt que la modalité auditive, eh bien la langue des signes est une langue à part entière, avec des structures linguistiques similaires à celles des langues orales, et fait appel au même réseau d'aire cérébrale que les langues parlées. Donc vous voyez ici les activations qui sont en rouge, très comparables à celles que je vous ai montrées tout à l'heure, dans le lobe temporal et dans la région frontale inférieure gauche, lorsqu'une personne est exposée à des vidéos montrant la langue des signes et que cette personne parle la langue des signes et essentiellement née native de la langue des signes. Lorsque on présente les mêmes stimuli à des personnes qui ne comprennent pas la langue des signes, uniquement les aires associées au traitement du mouvement biologique semblent s'activer. On n'a pas cette extension de l'activation dans les aires normales du langage. Mais pour qu'il y ait cette extension dans les aires du langage, encore faut-il que la personne apprenne la langue des signes de façon précoce. Et on dispose de données, notamment cette étude de Meberry et collaborateurs, qui suggère que lorsqu'on regarde des personnes qui ont appris la langue des signes et qui l'ont appris à des âges différents, eh bien, les réseaux classiques de l'hémisphère gauche, ici, ont tendance à avoir une activation qui décroît avec l'âge d'acquisition. Autrement dit, leur activation forte n'est présente que chez des personnes qui ont appris la langue des signes précocement. Lorsqu'on apprend la langue des signes trop tardivement à ces enfants, on n'obtient pas du tout le même effet de fluence et on n'obtient pas l'activation des réseaux normaux du langage. Toujours cette idée, donc, qu'il est essentiel, lorsqu'on veut apprendre une langue, y compris la langue des signes, d'y être exposé précocement. L'âge d'acquisition joue un rôle important. Alors, un autre exemple extrême de privation sociale, sensorielle et linguistique, et l'exemple des orphelinats en Roumanie, je le mentionnerai brièvement. Il y a énormément d'études sur ce sujet qui ont été menées par Chuck Nelson dans le cadre d'un projet qui s'appelle The Bucharest Early Intervention Project. Je crois que vous connaissez cet exemple des orphelinats en Roumanie, qui étaient des situations tout à fait terribles. Il y avait très peu d'adultes pour s'occuper de très nombreux enfants qui étaient laissés essentiellement à eux-mêmes. Et à la suite d'une situation dans laquelle il a été possible de placer certains, mais pas tous, ces enfants dans des familles, il a été possible donc d'étudier la différence entre les enfants qui étaient placés dans des familles, qui étaient donc sortis de ces orphelinats, et d'autres qui ne l'étaient pas. Et les résultats sont extrêmement clairs. Les enfants qui sont placés précocement dans des familles obtiennent des scores qui sont bien meilleurs et qui peuvent parfaitement normaliser à nouveau lorsque ces enfants sont placés avant l'âge de 20 mois. Donc vous avez le groupe qu'ils appellent « care as usual », c'est-à-dire les enfants qui sont restés dans ces institutions. Et « foster care group », c'est-à-dire les enfants placés dans des familles, et ils peuvent être placés avant 20 mois ou après 20 mois. Et enfin, vous avez le groupe d'enfants qu'on peut dire « contrôle », restés dans leur famille, jamais institutionnalisés. et que ça fait une grosse différence d'être adopté, inséré dans une famille avant l'âge de 20 mois. Après 20 mois, on voit des séquelles qui sont quand même importantes chez les enfants qui sont testés beaucoup plus tard, lorsqu'ils sont des jeunes adolescents. Du point de vue de la matière grise, on continue de voir des déficits chez les enfants qui ont été placés dans ces orphelinats au départ, mais la cognition peut se normaliser, au moins en grande partie, même si des déficits de matière grise subsistent. Donc, il est tout à fait clair que ces situations de privation sont tout à fait extrêmes, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que les réfugiés, les migrants qui se trouvent dans nos villes ne sont pas soumis à des conditions en partie similaires, et dans quelle mesure est-ce que nous sommes capables de leur proposer le plus tôt possible une socialisation, une exposition à une langue, une exposition à une culture qui leur permette d'avoir des compétences cognitives normales à l'arrivée. Alors, période sensible, oui, période très importante, donc de plasticité dans la petite enfance, mais aussi quand même fermeture relativement tardive de cette période sensible. C'était un petit peu une surprise, mais il ne faut pas confondre donc l'ouverture de la période sensible et sa fermeture. Et on a maintenant de nombreuses évidences que pendant au moins 9 ou 10 ans, l'exposition précoce à une langue est essentielle, mais le réseau reste plastique et peut encore se réorienter soit vers d'autres régions cérébrales, soit vers une autre langue. Alors, je vous ai parlé du cas des hémisphérectomies. Nico avait une hémisphérectomie de l'hémisphère droit, et donc peut-être ça n'est pas étonnant qu'il ait appris la langue et l'écriture de façon normale, mais d'autres enfants ont des hémisphérectomies de l'hémisphère gauche, et parfois de façon relativement tardive, jusqu'à 9 ou 10 ans chez certains cas. Eh bien, des études publiées montrent que ces enfants n'ont pas forcément, plus tard, de très gros déficits de langage. Le déficit peut être relativement discret, il faut des tests subtils pour le mettre en évidence. Ces enfants récupèrent un langage par le biais de l'hémisphère droit qui est resté intact. Donc, le réseau peut encore se déplacer. Un autre cas très intéressant est celui des enfants adoptés. Je pense qu'il est au cœur de notre sujet aujourd'hui. C'est-à-dire des enfants qui changent complètement de culture, qui se retrouvent dans une famille qui ne parle pas nécessairement la langue que eux parlaient lorsqu'ils étaient petits. Alors, Christophe Pallier, au laboratoire, avait mené il y a quelques années une étude très intéressante des enfants coréens adoptés en France et qui forcément se retrouvaient dans des familles qui ne parlaient pas un mot de coréen, qui ne parlaient plus du tout le coréen. L'expérience consistait à examiner les réseaux du langage avec cette technique donc d'IRM fonctionnelle. On faisait écouter des phrases présentées pendant une période de silence et ensuite l'IRM nous permettait d'acquérir des images de l'activité des réseaux cérébraux. Et vous voyez ce chapelet d'air cérébral impliqué dans le traitement du langage, y compris dans la région de Broca, qui toutes s'activent de façon systématique lorsqu'on présente à des sujets français des phrases dans leur langue maternelle, donc le français. Et si on présente des langues complètement inconnues, comme le coréen ou le japonais ou d'autres langues, eh bien, on ne voit pas cette activation. Donc ces réseaux se sont orientés vers la langue maternelle. Eh bien, que se passerait-il donc chez des enfants coréens adoptés ? Ces enfants ont eu une langue maternelle jusqu'à 5 ans, parfois jusqu'à 9 ans. Ils ont parlé le coréen, ils ont eu un vocabulaire normal en coréen, et puis d'un seul coup, ils ont dû se réorienter vers la langue française. Eh bien, ce qui a été observé, c'est que ces enfants étaient essentiellement indistinguables des sujets français lorsque nous les scannions à l'âge où ils étaient des jeunes adultes. Donc vous voyez ici le réseau observé chez des natifs du français qui écoutent du français, et le réseau observé, c'est chez ces enfants adoptés de Corée. On voit essentiellement la totalité du réseau du langage s'activer pour le français. Et lorsqu'on leur faisait écouter de la langue coréenne, on n'observait pas d'activation de ce réseau, on n'a pas pu distinguer d'activation par le coréen par opposition à d'autres langues auxquelles ils n'auraient jamais été exposés. Alors c'est un exemple un petit peu extrême, c'est rare, fort heureusement, pour des migrants, pour des réfugiés, de perdre complètement leur langue maternelle. Mais ça montre que c'est possible de perdre complètement sa langue maternelle. Ils n'avaient pas le souvenir même du vocabulaire le plus élémentaire du coréen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces dormantes, donc cette situation est encore discutée dans la littérature. Il semble par exemple que peut-être ces enfants pourraient réapprendre plus rapidement à reparler le coréen. Mais lorsqu'on les scanne à un instant donné, on ne voit pas de traces de ce qui était pourtant leur langue maternelle. Donc l'apprentissage est réversible pendant une certaine période de temps, au moins jusqu'à 8, 9, 10 ans. Alors c'est évidemment durant cette période de très grande plasticité que se situe un apprentissage qui m'intéresse beaucoup, l'apprentissage de la lecture, que je voulais mentionner très brièvement. De la même manière que nous avons des réseaux impliqués dans le traitement du langage parlé, eh bien l'apprentissage de la lecture va permettre d'une manière artificielle, inventée, d'entrer dans ces réseaux du langage parlé par le biais du cortex visuel, par le biais d'une région particulière qu'on appelait la région de la forme visuelle des mots, l'aire occipito-temporale ventrale. Et donc la vision des mots va exciter ce réseau et permettre de rentrer dans les aires du langage par le biais de connexions qui doivent se mettre en place. Eh bien, cet apprentissage de la lecture, là encore, est maximisé chez les enfants jeunes, mais peut aussi se produire à l'âge adulte. Lorsque nous avions réalisé ici une étude systématique d'IRM fonctionnel de personnes qui avaient appris à lire et de personnes qui n'avaient pas appris à lire dans la petite enfance, nous avons vu qu'il y a effectivement tout un réseau qui s'active chez les lecteurs lorsqu'on leur présente des phrases, bien entendu les aires classiques du langage. Donc c'est intéressant, lorsque vous lisez, eh bien c'est le même réseau cérébral qui va réussir à s'activer in fine à la vision des mots que le réseau traditionnel de la langue orale. Toutes ces aires de haut niveau, ici, vont être absolument communes à la langue écrite et à la langue orale. Mais ce qu'il y a de plus dans la lecture, c'est l'activation des aires visuelles, l'activation de cette région occipito-temporale ventrale de l'hémisphère gauche, donc la forme visuelle des mots. Et plus on sait lire, plus, donc ici, vous avez le nombre de mots qui sont lus par minute, les analphabètes sont à zéro ici, plus l'activation cérébrale est intense. Mais je voulais montrer cette diapositive pour attirer votre attention sur cette situation des personnes qu'on a appelées ex-analphabètes ou ex-illiterates en anglais, qui sont des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui ont appris à lire à l'âge adulte, parce qu'elles ont bénéficié d'une éducation, d'un voisinage qui leur a permis d'apprendre à lire. Eh bien, il est tout à fait possible à des personnes qui apprennent à l'âge adulte d'activer quasi normalement ces réseaux cérébraux. C'est peut-être plus difficile, la plasticité est sans doute moindre, mais l'état final peut être atteint de façon approximativement normale, même chez des personnes qui apprennent à lire à l'âge adulte. Nous avons de nombreuses données sur le cerveau des bilingues. Les recherches sont extrêmement claires. Les personnes bilingues, même à un âge tardif, vont activer des réseaux qui sont ceux du langage dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit, mais avec une similarité d'autant plus grande avec les réseaux de la première langue que l'affluence est grande dans la seconde langue et que l'apprentissage est fait de façon précoce. Et de nombreuses recherches récentes suggèrent effectivement qu'il vaut mieux apprendre précocement parce qu'on va réutiliser pour la deuxième langue les mêmes aires que celles de la première langue. Plus on va apprendre tardivement, plus on va avoir des difficultés à réutiliser ces réseaux et plus il va falloir utiliser des aires différentes, voisines peut-être, mais différentes de celles de la langue maternelle. Je voudrais terminer simplement en tentant de répondre à une interrogation qui m'est souvent posée. Oui, mais est-ce que ça n'est pas un désavantage d'exposer les enfants à un environnement bilingue, de tenter de leur faire apprendre plusieurs langues en même temps? Est-ce qu'il y a un coût à être bilingue ou est-ce qu'il y a au contraire peut-être un avantage? La littérature est encore incertaine sur ce sujet, mais il y a quand même quelques résultats qui sont extrêmement clairs et ils sont plutôt à l'avantage des bilingues. Il n'y a pas de coût évident. D'abord, les enfants exposés dès la naissance à deux langues n'éprouvent pas de difficulté à apprendre l'inventaire des phonèmes et les régularités phonotactiques de ces deux langues. Donc au niveau de la phonologie, de la phonotactique, il n'y a pas de difficulté. On peut apprendre deux systèmes phonologiques en même temps. Au niveau lexical, le nombre total de mots maîtrisés par les enfants semble être le même statistiquement pour les monolingues et pour les bilingues. Alors, il est évident que les bilingues, comme ils sont exposés à deux langues, ils vont être exposés à moins d'évidence à l'intérieur de chacune de ces langues, moins de stimulation, mais ils atteignent un lexique total similaire. Par ailleurs, les bébés bilingues peuvent être meilleurs que les bébés monolingues dans certains domaines. Et c'est le cas, par exemple, dans le domaine de la discrimination des langues. Un bébé bilingue doit apprendre à reconnaître quelle est la langue de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Et il semble que les performances, même mesurées très tôt, même sur la base de vidéos silencieuses par exemple, soient meilleures chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues. Et c'est un exemple général de la difficulté supplémentaire que doivent surmonter les enfants bilingues. Ils doivent sans cesse apprendre à sélectionner parmi les deux langues qu'ils maîtrisent. Ils doivent sélectionner parmi deux lexiques, parmi deux grammaires. Et cette difficulté de sélection se traduit par l'observation d'activations supplémentaires dans les réseaux de ce qu'on appelle le contrôle exécutif, qu'il s'agisse du noyau codé ou du cortex préfrontal dans l'hémisphère gauche notamment, qui sont souvent, dans de nombreuses études, plus activées chez les bilingues que chez les monolingues dans des tâches qui sont rigoureusement identiques et à performance identique. Donc on peut penser qu'il y a une nécessité de contrôler l'interférence et d'avoir un contrôle attentionnel qui est plus important chez les personnes bilingues. Alors, ceci se traduit par des différences, y compris dans des tâches non linguistiques, dans ce qu'on appelle le contrôle exécutif, qui comprend toutes sortes de performances attentionnelles, de type passage d'une tâche à l'autre, inhibition des distractions, contrôle de l'interférence dans des tâches de type Stroop, vous savez, où vous devez nommer la couleur de l'encre et ne pas faire attention aux mots, ce genre de choses, eh bien, les performances des bilingues semblent être meilleures que celles des monolingues. Je dis « semble » parce qu'il y a encore un débat dans la littérature sur l'expérience que vous imaginez très complexe, puisqu'il faut avoir un contraste entre bilingue et monolingue, toutes choses égales par ailleurs, ce qui est évidemment très difficile, mais dans la mesure où on peut le faire, par exemple dans certaines villes, comme à Barcelone, où il peut y avoir un mélange de personnes très bilingues et de personnes très monolingues, eh bien, c'est une conclusion qui semble ressortir de beaucoup de ces études. Il y a un avantage de contrôle attentionnel a même été rapporté chez les tout-petits-enfants, y compris lorsqu'on peut le mesurer chez les bébés de 7 mois, dans un papier de Science. Donc, il est plutôt intéressant d'être bilingue, non seulement parce qu'on maîtrise plusieurs langues, ce qui a un intérêt en soi, mais aussi parce que les systèmes de contrôle exécutif semblent bénéficier de la difficulté supplémentaire qu'il y a à être bilingue, et ceci va transférer vers de nombreuses tâches, y compris des tâches non linguistiques. Et tous ces effets pourraient expliquer une autre chose qui est attestée dans la littérature épidémiologique, c'est la réserve cognitive plus grande des bilingues au cours du vieillissement normal et pathologique. La résistance à des maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, serait plus grande chez les personnes qui maîtrisent plusieurs langues par rapport à celles qui n'en maîtrisent qu'une. Et cet effet serait de l'ordre, dans ces articles de revue auxquels je vous renvoie ici, de l'ordre de 5 ans. Donc ce sont des effets très importants sur l'âge d'arrivée des premiers symptômes de la maladie, comme par exemple la maladie de l'Alzheimer. Donc vous voyez que le bilinguisme est un atout considérable dans ce contexte, et ce sera ma conclusion. D'abord, donc, que les périodes de la première année de vie, des premières années de vie, sont une période d'extraordinaire plasticité cérébrale, que le cerveau du jeune enfant est une véritable machine à apprendre, je dis ça avec beaucoup d'admiration, aux performances inégalées qu'il faut sans cesse nourrir et stimuler, notamment par l'apprentissage des langues, pas seulement bien sûr, que la plasticité se maintient toutefois tout au long de la vie, et que loin d'être un handicap, le bilinguisme est une chance, et finalement aussi que nos systèmes éducatifs dans leur ensemble, et pas seulement dans la situation des réfugiés ou des migrants, doivent apprendre à tirer le meilleur parti de la plasticité cérébrale. Nous sommes seulement en train d'apprendre comment fonctionne notre cerveau et comment la plasticité lui permet de s'éduquer et de se modifier au fil de l'éducation. On pourrait en parler très longuement. Des situations comme le sommeil sont aussi des situations de plasticité dont l'école devrait pouvoir tirer parti. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Il s'exprimait sur la plasticité cérébrale et le bilinguisme, atouts et difficultés des migrants. Et en première partie, vous avez écouté Luis Quintana Murci, directeur scientifique à l'Institut Pasteur, sur la génétique et l'histoire de l'homme, l'adaptation aux agents infectieux. Nous diffusons de larges extraits des différentes contributions du colloque « Migration, réfugiés, exil ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion. Stanislas Dehaene a notamment publié chez Odile Jacob « Le code de la conscience » en 2014 et il a dirigé l'ouvrage collectif « Apprendre à lire, des sciences cognitives » à la salle de classe en 2012. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Boris Boutlerov. Demain, suite du colloque avec les questions de l'exode, de l'exil et de l'asile, du côté de la communauté scientifique en compagnie du physicien Sébastien Balibar et du mathématicien Alain Cohn. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.